Okay, I sing it to you. Attention. Imagine I. Androlin. I'll start. You could sample. Okay. I sing it to. Restart. À toi. Attention. Imagine that no ever. I'll start. You could sample. It's easy if you try. No air below us. At one. Above us, only sky. Imagine all the people living for. Okay, let's below go. Us, above us, only sky. Imagine all the people living. Bonjour, for Manu. Today. Oh. Okay, let's go. Je crois que je suis en train de faire chier. Manu is back. Escobar. Manu don't like. Escobar? Coco is here. Bon, je crois que je suis en train de faire chier. Non, mais on m'a reproché de trop chanter, c'est pour ça. Escobar. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chanteurs sur une boîte, alors. À part une fille, je crois. Il y en a une qui chante. Il y a un garçon aussi à nouveau là qui est pas mal. Qui chante vachement bien, c'est. Comment il s'appelle ? Fave ou un truc comme ça. Lui, il a non, on m'a reproché de trop chanter, c'est pour ça. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chanteurs sur une boîte, alors. À part une fille, je crois. Attends, je vais dire comment il s'appelle. Il y a un garçon aussi à nouveau là qui est pas mal. Qui chante vachement bien, c'est. Comment il s'appelle ? Fave ou un truc comme ça. Lui, il a une belle voix si tu veux bosser avec lui. Tu vas dans le. Attends, je vais dire comment il s'appelle. Dans les forums. Sur le forum, il y a. Jem Forum, voilà. Jem Forum, c'est où, comment il s'appelle lui? Tu vas dans le Ninbot, dans les forums. Sur le forum, il y a Jem Forum, voilà. Jem Forum, c'est où, comment il s'appelle lui? C'est quoi le tour à rond? Je sais pas ce que ça veut dire tour à rond. C'est moi, je parle français, on a fait en anglais, il y a beaucoup d'expressions en anglais, je comprends pas. Around, c'est autour. On tourne autour. Tour around. Could you translate, please? J'étais pas très bon en anglais à l'école. C'est quoi le tour? My flowers are beautiful. Je sais pas ce que ça veut dire tour à rond. C'est moi, je parle français, on a fait en anglais, il y a beaucoup d'expressions en anglais, je comprends pas. Je te conseille, il y a une fille. Là. Around, c'est autour. On tourne autour. Tour around. Jeku, voilà. Jeku. Could you translate, please? J'étais pas très bon en anglais à l'école. My flower, beautiful. Dans un bar ou quoi? On entend du bruit derrière. T'es dans un restaurant? C'est toi qui t'es en famille? Il y a de l'ambiance. T'es dans un bar ou quoi? On entend du bruit derrière. T'es dans un restaurant? Ou t'es en famille? de l'ambiance. Hein. Ok, je vais jouer sur ton truc. Changer, si tu veux. Je sais plus quoi dire. J'aimerais bien t'écouter. Peux changer, si tu veux. Décalé. Oui, ça, oui. Tu as raison, Edo. On va changer alors. Plus 82 mesures. Voici le refrain. On va changer alors. 4,2 mesures. Voici le refrain. Un truc chez toi en Orlune, parce que j'entends. Ça fait un retour. Là. Putain, c'est pas qui. Ça fait, je sais pas si elle fait ça, mais moi j'entends dans ma chanson. Putain, c'est pas qui. Thank you. blessé. Super joli ce que tu as joué, Edo. J'aime beaucoup. Si tu peux me l'envoyer, essaye de me trouver. Enfin, je t'enverrai bien mon adresse. Je pourrais enregistrer chez moi un truc. Après, je le renvoie. Tu m'envoies en wave. Enfin, je sais pas comment on peut faire. Tu sais, moi, je travaille sur Ableton. Donc, tu dois pouvoir m'envoyer la piste, non ?